Les deux fillettes se mirent rapidement au travail. Quelques minutes plus tard, Lapin, qui habitait un terrier au fond du jardin, vint les voir, curieux de l'agitation ambiante. « Que faites-vous » demanda-t-il. « Pourquoi creusez-vous un trou dans le jardin ?» Les deux sœurs lui expliquèrent leur projet de traverser la terre afin d'en atteindre l'autre extrémité.